الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Taysir al-Allam بشرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi رحمه الله, une explication de Cheikh Abdullah al-Bassam رحمه الله الجميع. La semaine dernière, on avait expliqué quatre hadiths, le hadith 54, 55, 56 et 57, hadith de Jabir ibn Abdullah, le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, et les deux hadiths d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Le 54e hadith, hadith de Jabir, qui se propose pour nous le réciter. Hassan, faddan. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس حتى فجعل يسب نعم كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كدت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. وقال فقمنا إلى بطحانة وقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة فتوضأنا لها ثم فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. أحسنت. رواه البخاري ومسلم, بارك الله فيك. Le 55e hadith, le hadith d'Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, c'est le plus court. Non. An Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, qal, salat al-jama'at afdal min salat al-fadl bi 27 daraja. Ahsan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le 56e hadith, le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Qui l'a pris? Tfaddal. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف في صلاته في بيته على تضاعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا, وذلك إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وقطع عنه بها خطيئة. فإذا صلى لا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه, اللهم اغفر له, اللهم ارحمه, ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. أحسنت, بارك الله فيك. Et le 57e hadith, le hadith d'Abu Huraira أيضا, أثقل الصلوات على المنافقين. Qui l'a pris? تفضل لنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا, ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام وأمر برجلا ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. رواه البخاري ومسلم. أحسن، بارك الله فيكم. نظر له امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفهمها ويؤديها كما سمعها، فإن الله عز وجل يجعل النور في وجهه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ، أي جعل نورا وجعل وجهه الوجه الحسن. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب حضور النساء المسجد. الحديث 58 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه مسلم. Le chapitre de la présence des femmes à la mosquée. 58e hadith, le hadith de Abdullah ibn Umar. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: lorsque la femme de l'un d'entre vous lui demande l'autorisation d'assister ou de partir à la mosquée, qu'il ne lui interdise pas. Qala, c'est-à-dire Abdullah ibn Umar dit, et Bilal ibn Abdillah a dit: je jure par Allah que je les en empêcherai. Qala, فأقبل عليه عبد الله. Et Abdullah ibn Umar est parti le voir. فسبه سبا سيئا. Et il a réprimandé, il a insulté. ما سمعته سبه مثله قط. Je n'ai pas entendu, ou je ne l'ai pas entendu, l'insulter de la sorte. Et il lui a dit: je t'informe de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et toi, tu dis, par Allah, je les en empêcherai. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans la version de Muslim, n'interdisez pas aux serviteuses d'Allah les mosquées d'Allah. Al-Ma'na al-Ijmali. Rawa ibn Umar radiyallahu anhuma anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam قال مبينا حكم خروج المرأة إلى المسجد للصلاة: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، لئلا يحرمها فضيلة الجماعة في المسجد. وكان أحد أبناء عبد الله بن عمر حاضرا حين حدث بهذا الحديث، وكان قد رأى الزمان قد تغير عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم بتوسع النساء في الزينة، فحملته الغيرة على صون النساء على أن قال من غير قصد الاعتراض على المشرع: والله لنمنعهن. ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض برده هذا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحمله الغضب لله ورسوله على أن سبه سبا شديدا وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. Le sens général du hadith. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour montrer le jugement de la femme qui sort à la mosquée pour accomplir la prière, il a dit sallallahu alayhi wa sallam que lorsque l'une de vos femmes vous demande l'autorisation de se rendre à la mosquée, ne lui interdisez pas, afin de ne pas la priver des mérites de la prière en groupe. Et l'un des enfants de Abdullah ibn Umar, appelé Bilal, était présent lorsque il a cité ce hadith. Et Bilal ibn Abdillah a vu que à cette époque, c'est-à-dire ce que l'on comprend de ce hadith, c'est que cela a été dit après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les femmes se sont un peu laissées aller dans leur embellissement. Et parce qu'il aime la religion d'Allah azawajal, eh bien, son amour pour la religion l'a poussé à protéger la femme et de dire, non pas pour contredire la religion, mais pour préserver la femme, par Allah, je les en empêcherai. Et son père, qui est Abdullah ibn Omar, a compris de sa parole qu'il contredisait et qu'il rejetait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, cela l'a énervé. Et son énervement pour Allah et son envoyé l'a amené à l'insulter. Et à lui dire, je t'informe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu me dis, par Allah, je les en empêcherai. ما يؤخذ من الحديث سكون روتين دو حديث أولا استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك premièrement une smart bleu immatriculée 92 gêne le passage pour la mosquée ou la route voilà. أولا ce que l'on retient c'est qu'il est préférable de donner l'autorisation aux femmes, lorsqu'elles le demandent, de prier à la mosquée. ثانياً, il n'a jawaz al-idhn laha ma'a adami zinati wal-amni min al-fitna, kama sahhat bidalik al-ahadith. Deuxièmement, que cette autorisation doit avoir lieu en étant sûr que la femme ne s'embellisse pas et qu'elle soit préservée de toute tentation, comme cela a été rapporté dans des hadiths authentiques. Thalithan, ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة. أما لسماع المواعظ وخطب الأعياد فيجب حضورهن كما يأتي في حديث أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. Et troisièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est, il apparaît de ce hadith que l'autorisation à la femme de lui permettre d'assister à la prière en groupe à la mosquée concernant la prière, quant à écouter des exhortations ou à assister à la prière ou au discours de l'Eid, eh bien, leur présence est obligatoire. Comme cela est rapporté dans le hadith de Umm Atiyah, lorsqu'elle a dit, il nous a été ordonné de sortir, ou il nous a été ordonné de sortir pour la prière de l'Eid, même al-awatiq wa dawat al-khudur. C'est-à-dire, al-awatiq, ce sont les esclaves, wa dawat al-khudur, ce sont les femmes qui restent chez elles et qui n'ont pas pour habitude de sortir. Rabi'an, shiddatul inkari ala man i'tarada ala sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le reproche violent que l'on peut faire à celui qui contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. De contredire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de très grave, et c'est parce que c'est quelque chose de très grave que Abdullah ibn Umar s'est énervé et qu'il a insulté son fils de la sorte. Khamisan, innahu yanbaghi liman arada an yuwajjiha kalam ash-shari'i ila ma'na yarah an yakuna dhalika bi adab wa ihtiram wa husn tawjih. Cinquièmement, que celui qui veut diriger une parole d'Allah Azzawajal, ou une parole en rapport avec la religion, vers un sens ou vers une signification qu'il voit, il doit le faire avec respect, avec un bon comportement et de la meilleure des façons. Car Bilal ibn Abdillah, comment a-t-il réagi? Wallahi la amna'uhun, par Allah je les interdirai. Et cela ne doit pas si la personne a un avis bien précis et a une compréhension précise de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la parole d'Allah, il doit le faire de la meilleure des façons. Je pense plutôt que ma façon de voir est que étant donné qu'il y a telle et telle chose, le mieux, la chose meilleure ne serait-elle pas d'interdire aux femmes vu que elles se laissent aller dans leur embellissement, etc., etc. Mais de ne pas répondre de la sorte, surtout lorsque un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient d'être cité. ثم يقول المؤلف رحمه الله باب السنن الراتبة وتأكيد ركعتي سنة الفجر وفضلها للصلوات المكتوبة سنن راتبة صحت فيها السنة المطهرة حثا وفعلا وتقريرا من الشارع ولها فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادات الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات وتوقيع خلل الفرائض وجبر نقصها لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها هذا في الحضر أما في السفر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى شيئا من هذه الرواتب إلا ركعتي الفجر فكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفرا. Puis الشيخ ou l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi ouvre le chapitre des sunan al-ratiba. Ce sont ces unités de prière qui sont régulières et qui sont en rapport avec une prière obligatoire. Certaines sont accomplies avant une prière obligatoire, d'autres après et d'autres avant et après. Et également, l'accentuation sur les deux raka'at de l'fajr et leur mérite. Cheikh al-Bassam, rahimahullah, dit « Les prières obligatoires ont des prières qui y sont liées, qui elles sont surérogatoires, qui ont été rapportées dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé de les faire et les a faites. Et il y a de grands mérites à accomplir ces unités de prière, car il y a plus de récompenses, plus de bonnes actions, il y a une élévation en degré et un pardon de péché. Et également, ces prières surérogatoires appelées ar-rawatib viennent combler les manques que le prieur aurait fait dans sa prière. Ainsi, il faut donner beaucoup d'importance à ces prières et surtout les préserver et être strict dans leur préservation. Ceci lorsque la personne est résidente. Quant au voyageur, eh bien, il n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a persisté ou qu'il a prié une prière parmi ces rawatib en état de voyage que les deux raka'at de l'fajr, celles qui sont accomplies avant la prière obligatoire de Subh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait raka'at al-fajr ni lorsqu'il était résident, ni lorsqu'il était voyageur. Al-Hadith al-Tasi' wal-Khamsoun. An Abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma qal, صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء رواه البخاري ومسلم وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته رواه البخاري ومسلم وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري. Le 59e hadith. Salam tullah. Selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, il dit: J'ai prié avec le prophète صلى الله عليه وسلم deux raka'at avant la prière de Dhuhr, deux raka'at après, c'est-à-dire deux unités de prière. deux unités de prière après Al-Jumu'ah, et deux unités de prière après Al-Maghrib, et deux unités de prière après l'Aïcha. Hadith authentique apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, quant à Al-Maghrib, Al-Aïcha, Al-Fajr et Al-Jumu'ah, il les a priés chez lui, dans sa maison. Hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de Bukhari, Abdullah ibn Umar a dit, Hafsa m'a rapporté. Et Hafsa, c'était la sœur de Abdullah ibn Umar. Et la fille de Umar ibn Khattab, radiyallahu anha. Hafsa m'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait deux prosternations légères après que l'aube est apparue, soit apparue. Et c'était une heure dans laquelle je n'entrais pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Al-Ma'na al-Ijmali. Fi hada al-Hadith بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمس وذلك أن للصلاة الظهر أربع ركعات ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها وأن للمغرب ركعتين بعدها وأن لصلاة العشاء ركعتين بعدها وأن راتبتي صلاتي الليل المغرب والعشاء وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته. Le sens général du hadith. Dans ce hadith, il y a l'explication des sunan, c'est-à-dire des unités de prière surérogatoires qui sont liées aux cinq prières obligatoires. Ainsi, la prière de Dhuhr a qui, elle, est une prière obligatoire, à quatre unités de prière qui sont surérogatoires et qui lui sont liées. Deux unités de prière avant et deux unités de prière après. Et que la prière de Jumu'ah a deux unités de prière après. Et que la prière de Maghrib a deux unités de prière après. Et que la prière de l'Isha a deux unités de prière après. Et quand aux deux prières qui sont faites la nuit, à savoir Al-Maghrib et Al-Isha, ainsi que celle de Al-Fajr et de Al-Jumu'ah, tout le prophète sallallahu alayhi wa sallam les priait chez lui. وكان لابن عمر رضي الله عنه اتصال ببيت النبي صلى الله عليه وسلم لمكان أخته حفصة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليه وقت عبادته ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات التي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر ليرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولكن من حرصه على العلم كان يسأل أخته حفصة عن ذلك فتخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين أي ركعتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وهما سنة صلاة الصبح. فالأفضل إذن بالنسبة لركعتي الفجر أن تصلى أين؟ في البيت. إي عبد الله بن عمر رضي الله عنه allait souvent dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? De par le statut de sa sœur Hafsa, qui était l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il avait pour habitude de rentrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les heures où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses adorations. Mais il se comportait également, il avait un bon comportement, à savoir qu'il n'entrait pas dans certaines horaires ou à certains moments en mettant en pratique la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate An-Nur, le verset 58, ô vous qui avez cru, lorsque vos esclaves ou ceux parmi vous qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté vous demandent l'autorisation d'entrer ceci à trois reprises. Et Allah Azza wa Jalla dit min qabli salati al-fajr, avant la prière de l'fajr. Ça, c'est la première horaire dans laquelle il fallait que les servants ou ceux qui étaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandent l'autorisation d'entrer dans sa chambre sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et l'autre, min qabli salati al-fajri wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahira, et au moment où vous enlevez vos vêtements à l'heure de dhuhr, wa min ba'di salati al-isha. Et Allah Azza wa Jalla dit thalathu awratin lakum, ce sont trois moments dans lesquels vous vous déshabillez, après al-fajr ou avant al-fajr, car c'est un moment où la personne dort, juste avant. Théoriquement, pour ceux qui ont prié la nuit, ils se reposent avant. Et wa min ba'di wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, à l'heure de dhuhr, autrement dit à l'heure de la sieste appelée al-qailula. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant al-qailula, qilu fa inna ash-shayatin la taqil, faites la qailula car les diables ne font pas la qailula. Et il y a d'énormes bénéfices et d'énormes mérites à faire la qailula pour la personne et notamment pour son équilibre. Wa min ba'di salati al-isha, et après la prière de l'isha. Car en général, la personne qui dort, eh bien, se met à l'aise. Et elle ne dort pas, en général, avec les vêtements qu'elle porte lorsqu'elle sort ou dans les autres moments. Ainsi, c'était trois moments dans lesquels les servants du professeur Hassan ou ceux qui étaient chez lui et qui n'avaient pas atteint l'âge de la puberté devaient demander l'autorisation avant d'entrer. Et quand, en dehors de ces trois horaires, Allah Azza wa Jalla dit « Laysa alaykum junahun, laysa alaykum wa la alayhim junahun fi ba'dahun. » Il n'y a pas de mal pour vous et pour eux après celle-ci. « Tawafuna alaykum ba'dukum ala ba'd » d'entrer et de sortir les uns les autres. Car, pour ceux qui étaient au service du professeur Hassan, cela aurait été une contrainte de systématiquement demander l'autorisation d'entrer justement pour être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il n'y avait que trois moments dans lesquels il devait demander l'autorisation, et les autres, Allah Azza wa Jalla dit « Laysa alaykum wa la alayhim junahun ba'dahun » Ainsi, Abdullah ibn Omar n'entrait pas chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette heure qui précédait la prière de l'Fajr, pour pouvoir voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Mais parce que Abdullah ibn Omar aimait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il était minutieux dans l'application de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a demandé à sa sœur Hafsa radiallahu anha, qui lui a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait deux unités de prière légères après que l'aube soit apparue, autrement dit qu'il priait les deux unités sunnat al-fajr qui précèdent la prière obligatoire salat al-subh. Ma yukhadu min al-hadith awalan istihbab al-rawatib al-madhkurati wal-muadhabatu alayha. Premièrement, qu'il est préférable et recommandé de faire ces unités de prière citées dans le hadith et de les préserver et de les faire dans la continuité. Donc on a dit deux unités de prière avant la prière de dhuhr, deux après, ensuite deux après le maghrib, deux après l'isha, deux avant la prière de Sobh et deux aussi après la prière de Jumu'ah. Non. Justement, il va le citer après. Thaniyan, inna al-asra laysa laha ratibah min hadihi al-mu'akkidat. Deuxièmement, ce que l'on retient du hadith, c'est que la prière de l'asr n'a pas de ratibah parmi celles citées. Le prophète sallam n'a pas cité la prière de l'asr. Il n'a pas cité de ratibah liée à l'asr ni avant ni après. Thalithan, in rawatib al-maghrib wal-isha wal-fajr wal-jum'a al-afdal wa an takuna fi al-bayt. Troisièmement, on retient que les prières surrogatoires, al-rawatib, de la prière de l'maghrib, de l'isha, de l'fajr et de l'jum'a, le mieux est de les faire à la maison. Et en général, les prières surrogatoires, le mieux est de les faire à la maison. Afdal salati al-mar fi baytihi illa al-maktouba, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des prières de l'homme est celle qu'il fait chez lui, sauf la prière obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an yaj'ala al-muslimu baytahu qabra, la taj'alu buyutakum qubura. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes, car les tombes et les cimetières, ce sont des endroits dans lesquels l'on ne prie pas. Rabi'an at-takhfifu fi rak'atay al-fajr. Quatrièmement, le fait d'accomplir les deux rak'at de l'fajr de façon légère, et qu'elles soient légères. Naam. C'est quoi en fait de façon légère? De façon légère, c'est-à-dire de faire le strict minimum, en donnant à chaque posture le droit qu'elle a. Et Aïcha radhiallahu anha, quand elle a décrit la façon d'accomplir la prière de les deux sunnat al-fajr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit dans le hadith? Je ne sais pas s'il récitait al-fatiha tellement il le faisait vite par rapport à sa prière habituelle sallallahu alayhi wa sallam. Donc de le faire vite, ce n'est pas de prier comme le coq, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier comme le coq, mais de faire le strict minimum et de ne pas l'allonger, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'allongeait pas. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Khamisan, ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن للظهر ستا أربعا قبلها وركعتين بعدها فقد جاء في الترمذي من حديث أم حبيبة مرفوعا أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها حديث صحيح رواه الترمذي في سننه. Cinquièmement, il est rapporté dans certains hadiths authentiques que la prière de Dhuhr à six unités de prière qui lui sont liées, ou qui sont liées. Quatre avant et deux après. Comme cela est rapporté dans le hadith de Habiba radiallahu anha, rapporté dans Sunan al-Tirmidhi, où le professeur Hassan a dit, et quatre avant la prière de Dhuhr et deux après celle-ci. Quatre avant Dhuhr et deux après celle-ci. Sadisan. بعض هذه الرواتب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفس المصلي للعبادة قبل الدخول في الفريضة وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان. Sixièmement, certaines de ces prières surrogatoires appelées rawatib ont lieu avant la prière obligatoire. Ceci afin que la prière se prépare et se mettent en condition pour accomplir sa prière obligatoire. Et quant aux prières surrogatoires, à rawatib, qui sont après, et qui sont accomplies après la prière obligatoire, ceci pour compenser le manque et pour réparer pour combler le manque et et combler les trous. لِتَجْبُرَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ نُقْصَانِ. Donc c'est le but de ces rawatib. Et le prophète lorsqu'il a parlé de la prière, et que c'était la première chose qui sera jugé le jour du jugement, awwalu ma yuqda bayna al-ibad yawm al-qiyamah as-salah. Si elle est bonne, alors Allah Azza wa Jalla dira unzuru hal li'abdi min tatawwu' fatukammilu bihi faridatahu. Et lorsque la personne faisait sa prière, alors on passera à l'étape suivante. Et Allah Azza wa Jalla dira à ses anges, regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires qui viendront compléter sa prière obligatoire. Donc, le but des prières surérogatoires, et notamment de Rawatib, c'est, lorsqu'elle a lieu avant la prière, de préparer le musulman à accomplir cette prière obligatoire et de le mettre en condition. Et après la prière, celle-ci ont pour bénéfice de combler les manques. Et les manques, il y en a. Le professeur Asselem a dit Yuktabu, le sens du hadith, c'est que le professeur Asselem a dit que l'un d'entre vous prie et il n'a de sa prière que le quart, que le tiers, que le sixième. Et le plus qu'a cité le professeur Asselem, c'est la moitié. Le plus qu'a cité le professeur Asselem, c'est la moitié. Et cela prouve que dans la majeure partie des prières, malheureusement, il y a des manquements. Pour cela qu'il faut absolument persévérer et être constant et être régulier dans la mise en pratique des prières surérogatoires, car elles viennent combler les manques, elles viennent combler les défauts, et les manques il y en a, et les défauts il y en a. Non. Normalement c'est lié à Cheikh Al-Uthaymeen a été questionné sur ça. Est-ce que l'on fait le rawatib après l'adhan ou après l'heure? Là-bas, c'est qu'on le fait après l'adhan, car elles viennent précéder la prière. Et en général, l'adhan vient annoncer la prière. Si par exemple tu fais un rawatib de dhuhr à l'heure de dhuhr, alors que dans la mosquée il le prie une heure après, est-ce que ici on peut dire que tu as accompli rawatib de dhuhr? Non, car le but c'est qu'elle soit faite juste avant. Sauf si, par exemple, tu sais que l'heure de la prière va entrer quelques minutes avant l'adhan, ou entre quelques minutes avant l'adhan. Dans ce cas, tu peux prier même avant l'adhan, mais de quelques minutes. Et rawatib, justement, c'est qu'elles sont liées à la prière obligatoire. Wallahu a'lam. الفجر ايوا احسن شيء ان الانسان يصليها في الدار ديالو يعني يشوف الساعه ملي تدخل الساعه ديال الفجر متى يجي الاذان يصلي ركعتين في الدار ديالو ويجي هنا هذا احسن شيء يهيدنا المدن نعم بعد اذان الفجر يعني بعد دخول وقت صلاه الفجر الحديث التاسع والخمسون لكن اللي جاء وصلها في الجامع ما عندوش إثم ما دارش خطأ لكن أحسن أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث التاسع والخمسون le 59e حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت عفوا le 60e حديث الحديث الستون عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها celui qui connaît pas ce hadith la semaine prochaine je ne sais pas ce qu'on lui fait. Rak'atay al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Même celui qui parle que d'allégeant, il peut le répéter. Selon Aïcha radhiyallahu anha, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était constant n'était constant dans une prière surérogatoire plus qu'il ne l'était dans les deux raka'at de l'Fajr. Donc les deux unités de prière surérogatoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus souvent et de façon plus régulière, alhamdoulilah, sont les deux raka'at de l'Fajr. Alhamdoulilah. Et dans la version de Muslim, les deux raka'at de l'Fajr sont meilleurs que cette terre et tout ce qu'elle contient. Sont meilleurs que cette terre et tout ce qu'elle contient. Al-ma'na al-ijmali. Fi hadha al-hadith bayanun lima li rak'atay al-fajr min al-ahammiyyah wa al-ta'akkud. Faqad dhakarat Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akkadahuma وعظم شأنهما بفعله وقوله حيث قالت لم يكن على شيء من النوافل أشد أو أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركعتي الفجر وأنه صلى الله عليه وسلم قال إنهما خير من الدنيا وما فيها. Le sens général du hadith. Dans ce hadith il y a l'explication que où il y a l'explication que les deux, l'explication de l'importance des deux unités de prière de l'Fajr. Et que Aïcha radiallahu anha a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait beaucoup sur ces deux unités de prière et qu'il a immensifié leur importance à la fois dans sa parole et dans ses faits sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Quant à ses faits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était assidu dans une prière surrogatoire plus qu'il ne l'était dans les deux raka'at de l'Fajr. Et concernant sa parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que ces deux unités de prière sont meilleures que cette vie d'ici-bas et que tout ce qu'elle contient. ما يؤخذ من الحديث أولا الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر فلا ينبغي إهمالهما. Premièrement, ce que nous retient du hadith, c'est qu'il est demandé d'accomplir les deux unités de prière de l'Fajr et qu'il ne faut pas il ne faut pas manquer à leur égard et qu'il faut les faire et les préserver. Thaniyan, fadluhum al-azim, حيث جعل خيرا من الدنيا وما فيها. Deuxièmement, leur immense mérite, car elles ont été placées ou elles ont été citées comme étant meilleures que cette vie d'ici-bas et que tout ce qu'elle contient. Si tu étais amené à énumérer tout ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas, et la valeur de cette vie d'ici-bas et tout ce qu'elle contient comme richesse, eh bien, elle ne serait pas plus importante que les deux unités de prière de l'Fajr. C'est donc un bien immense que ne peut se rendre compte que celui qui, on va pas dire qu'il s'amuse, mais qui se met à réfléchir sur la valeur de cette vie d'ici-bas et de ce et de tout ce qu'elle contient. Et c'est des choses qui sont demandées aux musulmans de réfléchir à ce genre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le verset où Allah azza wa jalla dit inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar laayatun li ulil albab. Il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Lorsque tu lis ce verset ainsi, mais lorsque tu commences à énumérer, comme l'a fait l'imam al-Qayyim, rahimahullah, dans plus de 100 pages de son livre, Miftah Udar al-Sa'ada, en décortiquant la création d'Allah Azzawajal, en passant par le soleil, la lune, les étoiles, la terre, la végétation, les animaux, le corps humain, et en décortiquant les différentes parties et en citant les sagesses de chacune de celles-ci, tu vois vraiment qu'il y a des signes pour des gens qui sont doués d'intelligence. رابعا إن إهمال من أهملهما على سهولتهما وعظم أجرهما وحث الشارع عليهما يدل على ضعف دينه وحرمانه من الخير العظيم. Quatrièmement, que celui qui délaisse ses prières, malgré leur facilité, est-ce qu'il est facile d'accomplir 2 unités de prière ? Oui. Malgré leur facilité et l'immense récompense qu'elles ont, et la façon par laquelle le prophète sallam a insisté, si une personne après tout cela ne les accomplit pas, alors cela prouve la faiblesse de sa religion. Et cela prouve également qu'il est privé d'un bien immense. Et cela prouve qu'il est privé d'un bien immense. Qu'Allah Azzawajal fasse de nous des personnes qui ne délaissent jamais cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Non. Est-ce qu'il est autorisé de rattraper ce que tu as raté comme ratiba? Oui, cela est autorisé. Pour toutes. Pour toutes, non. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rattrapait aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas la prière de la nuit, il rattrapait la prière de la nuit qu'il n'avait pas faite en faisant des unités de prière. En faisant des unités de prière. Non, au moment de Duha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en priait 12. Car les prières du jour, les prières du jour doivent être accomplies en 2-2. En 2-2. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour une raison ou pour une autre, il n'avait pas eu la possibilité de prier la prière de la nuit, alors il a rattrapé cela au moment de Duha, après le lever du soleil. Non, celui qui a raté la sunna del Fajr, le mieux c'est qu'il la fasse après le lever du soleil. Ça c'est le mieux. Il lui est autorisé de la faire avant, mais le mieux est de la faire après le lever du soleil. Babul adhan wal iqama. Al adhan lughatan al i'lam. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام منهما وهو شرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة. Le chapitre de l'Adhan et de l'Iqama, de l'appel à la prière et de l'Iqama. L'Adhan dans la langue arabe signifie l'I'lam, c'est-à-dire l'annonce. Allah Azza wa Jalla a dit et une annonce de la part d'Allah et de son envoyé. Adhanu min Allah wa rasulihi. C'est-à-dire une annonce de leur part. Et islamiquement, la définition islamique de l'adhan, al-i'lam bidukhul waqt as-salat al-mafrudah bi alfaz makhsusa. L'adhan, c'est l'annonce de l'entrée de l'heure d'une prière obligatoire par des termes ou en des termes ou par des termes bien précis. Donc l'adhan a pour but d'annoncer quoi? L'heure de la prière, laquelle? La prière obligatoire. Comment? Par des termes bien précis. وَوَعَلَى اَخْتِصَارِهِ مُشْتَمِلٌ عَلَى مَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ لأن التكبير يتضمن وجود الله وإثبات صفات الجلال والعظمة له والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتنفيان الشرك والدعاء إلى الفلاح يشير إلى المعاد والجزاء وذكر العلماء له حكما عظيمة منها إظهار شعار الإسلام وإظهار كلمة التوحيد وإثبات الرسالة والإعلام بدخول وقت الصلاة ومنها الدعوة إلى الجماعة وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وغيره من الأحاديث الكثيرة. والأذان والإقامة كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمس، وهما من شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتل أهل بلد تركوهما. الأذان، malgré que ce soit quelques phrases, eh bien, englobe beaucoup de sujets en rapport avec la croyance. Car le takbir, le fait de prononcer et de proclamer la grandeur d'Allah Azzawajal, eh bien, cela implique l'existence d'Allah. Et cela appuie les caractères d'Allah subhanahu wa ta'ala et son immensité. Et les deux unités de prière attestent l'unicité pure, ainsi que le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et elle nie et rejette toute forme de polythéisme. Lorsque tu proclames la shahada, eh bien, tu te désavoues de toute forme de polythéisme. Et l'invocation qu'il y a à la félicité, eh bien, fait penser au retour à la résurrection et au jugement. Lorsque le muezzin dit Hayya ala salah, venez à la félicité, à la prière, venez à la félicité, félicité, cela fait penser au jour du jugement et à la récompense qu'Allah Azza wa Jal a réservée aux prières. Et les savants ont cité beaucoup de sagesse immense de l'adhan. Parmi ces sagesses, il y a le fait que c'est un emblème de l'islam. L'adhan est un emblème de l'islam. Et que par l'adhan, eh bien, tu proclames l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu attestes le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu annonces par l'adhan l'entrée de l'heure de la prière. Et également, tu appelles les musulmans à venir accomplir la prière en groupe. Tout ceci sont autant de mérites. Et les hadiths dans ce sens sont nombreux. Parmi eux, le hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, apporté par Al-Bukhari Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si les gens savaient ce qu'il y a dans l'appel à la prière, et dans le premier rang, c'est-à-dire s'il savait ce qu'il y avait comme mérite et comme récompense, puis qu'il n'ait trouvé d'autre moyen que de tirer au sort, alors ils auraient tiré au sort. S'il n'y avait d'autre moyen pour prier dans le premier rang et pour faire l'adhan que le tirage au sort, alors les gens, s'ils savaient le mérite, eh bien, ils se seraient départagés les uns les autres à travers le tirage au sort, car chacun aurait voulu et chacun aurait espéré profiter de ses mérites. Et d'autres hadiths qui sont nombreux. Et l'adhan et l'iqama sont tous deux des obligations qui, lorsqu'elles sont accomplies par une partie des musulmans, eh bien, cette obligation les autres musulmans en sont exemptés. Ceci concernant les hommes et pour les cinq prières. Et elles font partie des emblèmes de l'islam apparents. Elles font partie des emblèmes de l'islam apparents. Et un pays qui le délaisse, eh bien, c'est un pays qu'il est autorisé de combattre. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما لا يعرفهم يستدل على إسلامهم بالأذان وعلى كفرهم بتركه فكان يأمر من يستمع إليهم في أوقات الصلوات وقد شرع في المدينة وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرع في المدينة حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في طلب طريق يعرفونه بها دخول الوقت ليأتوا إلى الصلاة في المسجد. فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعلمه صفة الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم برؤياه، فقال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال لأنه رفيع الصوت، فكان أفضل وسيلة لمعرفة أوقات الصلاة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il arrivait dans un peuple qu'il ne connaissait pas, eh bien, ce qui lui permettait de savoir s'ils étaient musulmans ou non, c'était l'adhan. Et s'ils ne faisaient pas l'adhan, cela était une preuve de leur mécréance. Et il ordonnait à des personnes d'aller entendre l'adhan aux heures de prière, pour voir si l'adhan était fait. Et l'adhan a été légiféré à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé conseil à ses compagnons sur le meilleur moyen qui pouvait être mis en œuvre pour annoncer l'entrée de la prière. Certains ont dit la cloche. De faire sonner des cloches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, cela est un moyen utilisé par les chrétiens. D'autres ont dit d'allumer un feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, cela est un moyen utilisé par Al-Majus qui adore le feu. D'autres ont dit la trompe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, cela est un moyen utilisé par les juifs. Et Abdullah ibn Zayd al-Ansari radiallahu anhu a vu en rêve un homme lui enseigner l'adhan avec les termes qui sont employés jusqu'à nos jours et qui seront employés jusqu'au jour du jugement. Et le professeur Hassan m'a dit que c'était une vision vraie. Et il a ordonné à Abdullah ibn Zayd, radiallahu anhu, d'apprendre cela à Bilal, car il avait une voix plus portante. Car sa voix était plus portante. Et c'est donc le moyen légiféré en islam pour appeler à la prière. Et à notre époque, et surtout en France, j'ai entendu que dans certaines mosquées, dans le minaret, ils ont mis des... où ils ont projet de mettre un signal lumineux pour annoncer l'entrée de la prière. Regardez comment, à cause des péchés des musulmans et à cause de leur éloignement du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallam, comment ils se rabaissent au point de changer l'adhan par un signal lumineux qu'ils installent au-dessus de leur minaret. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك